Madame la ministre, chère Françoise Nyssen, monsieur le président, cher Jean-Louis Debray, mesdames, messieurs, chers amis, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui au Palais d'Iéna, au Conseil économique, social, environnemental, à l'occasion de votre matinée qui a pour thème évaluation et collecte des archives publiques vers une politique renouvelée. Ces sujets sont essentiels pour la société française, essentiels car que serait un pays sans mémoire? La préservation et la sélection des archives est à la source de l'histoire et de sa recherche. Elle constitue le témoignage que nous laissons aux générations futures et nous permet de mieux appréhender les périodes historiques. À cet égard, notre siège, le Palais d'Iéna, chef-d'œuvre architectural, est un témoin de l'histoire, car tel que vous le savez, Madame la Ministre, pour en avoir parrainé l'événement, le CESE fêtera les 80 ans de cet édifice remarquable en 2019. Nous avons ainsi célébré ensemble l'anniversaire de la pose de la première pierre du Palais d'Iéna en décembre dernier, et je vous en remercie à nouveau. Pour vous recevoir une nouvelle fois dans ces lieux, cela confirme que notre Assemblée représente le symbole du dialogue et de l'échange dans notre pays. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore notre institution, le CESE est la troisième Assemblée constitutionnelle de la République, où siègent les représentants de 71 organisations, associations d'intérêt général, syndicats de salariés, d'employeurs, organisations de défense de l'environnement, ONG, mutuelles, jeunes, économie sociale et solidaire et bien d'autres. En d'autres termes, il s'agit de l'Assemblée de la société civile organisée. Le Conseil, ce sont donc des milliers de Français, des millions de Français et de Françaises qui sont représentés à travers ses membres, à travers les femmes et les hommes qui le composent. Il est à noter que cette Assemblée est l'Assemblée la plus paritaire. Près de 46% de ses membres sont des femmes. Son rôle est donc d'éclairer les pouvoirs publics, gouvernement, parlement, sur tous sujets économiques, sociaux et environnementaux. Ainsi, sur ces sujets, les travaux menés ici permettent de mesurer l'acceptabilité sociale d'un projet ou d'une réforme. Depuis mon élection, nous avons souhaité que le CESE joue pleinement son rôle de troisième assemblée. Cette volonté, elle a été renforcée depuis juillet avec l'annonce du président de la République devant le Congrès sur la réforme de notre institution. Une réforme dont nous nous sommes fait les acteurs depuis le début. En août, dans ses vœux aux institutions et au corps constitué le 30 janvier dernier, le chef de l'État a tracé les grandes lignes de cette réforme. Il souhaite faire du CESE le canal privilégié de la participation des Françaises et des Français à la décision publique, en devenant notamment le réceptacle des pétitions citoyennes. Le CESE doit jouer son rôle d'écoute et de transmission de la parole citoyenne. Il s'agit là, pour nous, pour la démocratie, d'un rôle fondamental. De surcroît, le CESE pourrait rendre un avis avant chaque projet de loi en matière économique, sociale et environnementale, et pourrait être en charge de l'organisation des consultations publiques sur tout projet de réforme. Pour tout cela, le CESE a besoin d'une colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale, c'est celle de la société civile organisée, que nous représentons. Et ce n'est pas un hasard si le pays qui organise leur démocratie, voire pour certains qui sortent d'un régime autoritaire, se rapproche de notre Conseil pour être accompagné dans la création de leur propre Conseil économique, social et environnemental. C'est un fait, notre société se modernise sans cesse et il convient aux institutions démocratiques que nous représentons d'accompagner ce mouvement. Il s'agit pour le CESE d'utiliser les nouveaux outils du numérique, par exemple, à des fins de démocratisation de la parole citoyenne. Ainsi, le numérique est une composante de la réforme du CESE. Nous avions mis en place, par exemple, un comité de veille des pétitions en ligne qui a déjà retenu deux sujets, les déserts médicaux que nous avons traités, et un avis en cours sur la fin de vie. Nous avons également lancé notre première plateforme de consultation citoyenne le 8 janvier dernier, afin d'enrichir notre avis sur l'orientation des jeunes. La gestion des archives nationales participe par leur numérisation et à la mise en ligne à la démocratisation de leur accès, à la démocratisation de la mémoire. La sélection, la collecte et la sauvegarde des archives est un élément déterminant pour la société, mais aussi dans la manière scientifique d'aborder l'histoire. Je tiens à saluer la présence ici d'une ancienne membre, Annette Wierwocka, qui, en 2004, soulignait dans son avis portant sur la place pour les femmes dans l'histoire enseignée l'importance de la collecte et la sélection des archives dans l'écriture de l'histoire. Mesdames, Messieurs, votre activité est confrontée à de nouveaux défis, ceux engendrés par l'essor du numérique, de nouveaux défis pour faciliter l'accès des archives aux citoyens, mais également dans la collecte et la conservation de ces dernières. C'est ce qui constitue tout l'enjeu de votre matinée débat. Je suis fier, nous sommes tous fiers ici de remplir nos missions et nous sommes ravis d'accueillir des matinées de réflexion telles que la vôtre, car notre Assemblée est, je vous le disais, le lieu de l'échange, du dialogue et du débat. Madame la ministre, je sais que ce sujet vous tient particulièrement à cœur. Je vous souhaite une très bonne matinée d'échange au sein du Palais d'Iéna qui, comme vous le savez, est une trace de l'histoire. Je vous remercie.